Concernant le film à Gloomout, j'ai eu envie de revoir The Host. C'est avec ce film que j'ai découvert à l'époque Bong Joon-ho et Song Kang-ho, et j'avais adoré. Deuxième vision, plus de 10 ans après, après avoir vu Memories of Murder, qui reste leur chef-d'œuvre à mon goût, et Parasite, leur plus éclatante réussite, eh bien, je suis un peu plus mitigé. C'est un très bon film, le rythme fonctionne bien, et la fin est touchante au possible. Mais les personnages sont un peu forcés, les SFX ont vieilli, même s'il faut saluer le courage de montrer la bestiole en full frontal et pleine lumière dès les premières minutes du film. D'ailleurs, c'est le plus gros défaut du film, c'est sa générosité. Et mal canalisée. C'est chouette la bestiole en gros plan, mais ça vieillit mal. Faire intervenir les USA, je vois où ils veulent en venir, mais ça ne débouche rien. L'histoire du virus, ça justifie le titre, ok, mais ça ne débouche rien non plus. Et ces personnages au trauma visible, mais ni exploité, ni expliqué, ou alors à la limite exploité au forceps, malgré tout cela, j'ai passé un excellent moment. Car malgré le côté dispersé du scénario, la réalisation est maîtrisée et les interprètes croient en leur rôle. Et puis la trame principale est simple mais ultra prenante. On veut vraiment savoir comment cette famille dysfonctionnelle va retrouver la petite dernière.